J'ai débarqué dans le rap comme un kamikaze à Bagdad. J'ai débarqué dans le rap comme un kamikaze à Bagdad. J'ai débarqué dans le rap comme un kamikaze à Bagdad. Rabat, rabat, Mike bat, lyrical, coup de patte. Mes faces des coups de balle, combat des MC à qui au haram se compare. Eh gars, Hadra lyrical, hommage au MC sans vécu qui ricane. Tous des boîtes, flow unique, vlap, pas mon son des boîtes. Amateur des boîtes, t'es des chattes, j'ai hâte de m'asseoir sur le trône du rap. Ça fait si biche que je gratte, et tu me crois pas, demande-le à son trap. J'braille des rimes car j'ai la dalle, mon place gravé sur la dalle. Ça et là, j'vais dans le sah madame, lyriciste, troisième dalle. L'armada, le crew de Fadaf, j'suis faillable pour les frères. J'lève le poing en l'air, fier de représenter mes frères. J'laisse un temps, l'histoire que les vendus foutent le camp. Et les gars, et les gars, j'suis pas partisan d'un gang. Soumis à Dieu et à mes parents. Nos sens se propagent et la future bombe viendra du 8-3. Choisis ton clan, ton camp, baisse-toi. Ici c'est politique, facho gun, tolérance zéro. Le rap n'est pas mort, on vient lui faire la peau. Nos sens se propagent et la future bombe viendra du 8-3. Choisis ton clan, ton camp, baisse-toi. Ici c'est politique, facho gun, tolérance zéro. Le rap n'est pas mort, on vient lui faire la peau. J'suis rentré dans le rap comme un beat dans ta chatte. J'suis rentré dans le biz comme un cam que t'achètes. J'suis la plaque tournante, la claque qui tourmente. Présent dans tous les débats, mais ça monte comme le prix du tabac. Mon rap tabasse comme cette pute qui s'abaisse. À l'aise, l'effet que je te fais comme une vierge quand elle baisse. J'arrive comme un pulsant dans tes oreilles. Parti de rien, je n'ai toujours rien à cause du manque d'oseille. Je débarque comme force de frappe, la meilleure de tes sapes. Je compose ma vie comme smoke dans la prod. Mon rap est musclé mais sans prod. J'ai ouvert les portes de la manière la plus forte. Je pose mes couilles en battle, c'est moi qui remporte. À ce qui paraît, on a la dalle attitude. T'as connu les habitudes, un vocal, ça y l'arc à forme. Viens chauffer ce putain de sud. C'est putain de sud, ok. Nos sens se propagent et la future bombe viendra du 8-3. Choisis ton clan, ton camp, baisse-toi. Ici c'est politique, facho gun, tolérance zéro. Le rap n'est pas mort, on vient lui faire la peau. Nos sens se propagent et la future bombe viendra du 8-3. Choisis ton clan, ton camp, baisse-toi. Ici c'est politique, facho gun, tolérance zéro. Le rap n'est pas mort, on vient lui faire la peau. Encore dans le rap, mais t'inquiète pas, j'arrive. Braque le mic sans arme, violence comme spot, j'arrive. Des fois MC sous les cas, il se croit insurmontable. Avec mon flow venu du pas. J'suis baisé l'instrumental, ça fait mal. En quelques rimes, j'mets tout le monde à l'aise. Si elle mesure les tapettes, crie tous à l'aide. Si tu rap hardcore et sanglant, on est tous d'accord. Quand j'prends le match, je passe en blanc. Pas comme ces victimes qui veulent jouer les coupables. La chanson, ce que tu vas faire, c'est te lécher mon trou de balle. Ces petites lolopes veulent jouer les Montana. Font les dealers, c'est vrai, ben Montalia. Tu veux faire mieux, n'essaie pas, tu arriveras pas. Nick Sarko, VG, t'as placé une pour l'état. C'est du rap sale, pour les blancs, blancs qui rap ça. Tu veux tester l'U3, un conseil ne te rate pas. Nos sens se propagent et la future bombe viendra du 8-3. Choisis ton clan, ton camp, baisse-toi. Ici c'est politique, facho gun, tolérance zéro. Le rap n'est pas mort, on vient lui faire la peau. Nos sens se propagent et la future bombe viendra du 8-3. Choisis ton clan, ton camp, baisse-toi. Ici c'est politique, facho gun, tolérance zéro. Le rap n'est pas mort, on vient lui faire la peau.